the lawyers is go on ready for to party with the girl. Champagne, hey, hey, where we go, la vie est belle. Ville de Paris, mon cousin, il y a une demande. Les avocats de la ville, ma cousine, ils s'y rendent par bande. Mon cousin, l'enterre ma cousine, son petit cousin l'enlire. Son petit cousin l'enlire. Les avocats de la ville, ma cousine, ils s'y rendent par bande. D'un tisseur à la danse, ma cousine, mon tisseur à la danse, mon cousin, l'enterre ma cousine, son petit cousin l'enlire. La danse, ma cousine, mon tisseur, la danse. On dira ce qu'on voudra, ma cousine. Nous monterons dans nos chambres, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin dans l'ire. Son petit cousin dans l'ire. On dira ce qu'on voudra, ma cousine. Nous danserons ensemble. À la tombée de la nuit, ma cousine. Nous souperons ensemble, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin dans l'ire. De la nuit, ma cousine, nous souperons ensemble. Aux quatre coins de la table, ma cousine, quatre bouteilles de champagne, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin dans l'île. Son petit cousin dans l'île. Aux quatre coins de la table, ma cousine, quatre bouteilles de champagne. Et pendant le repos, ma cousine, nous trinquerons ensemble, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin dans l'île. Viendront la nuit.